Bien obligé. Le monde a explosé en 2025. Mauvaise manip de tête de missile nucléaire. Oups. Des millions d'estropiés, des jambes en moins, des yeux, des tympans, des morceaux de tête arrachés. D'un coup, le handicap est devenu véritablement la norme. Bien obligé de faire avec. Les gens se tuaient de désespoir, tellement ils préféraient être morts que handicapés. Mais il fallait reconstruire le monde, et pour ça, fallait que les gens se remettent au travail, qu'ils gardent espoir. Alors, le directeur de Spotify World a pris le contrôle du monde. Il était miraculeusement resté l'homme le plus riche et le plus puissant du monde. L'autre était mort en essayant de partir sur Mars, bref. Il a décidé de tout gérer pour tout le monde, enfin, les vivants. Et parce que l'universel, dans un monde capitaliste, ça n'est par essence pas possible, S a inventé, disons, une nouvelle façon de vivre. La même que l'ancienne, mais repeinte. Force, il l'a appelée. Ouais, il n'est pas allé chercher bien loin. Et donc, force est une sorte de pensée, de mantra auquel on doit tous penser le matin. Je ne suis pas rien. Je suis un tout, l'univers est ma nature. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. On m'a mise à l'isolement dans ma cellule. Ils appellent ça une capsule de repos, mais c'est une cellule. Parce que je dis que S n'est pas vraiment un type sympa et altruiste comme il essaye de nous faire croire.